بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. خديجة كومنتيه بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. 23ème leçon. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. تمام. Donc on continue toujours dans Bab al-Wudu, dans Kitab al-Tahara. قال المؤلف ابن حجر رحمه الله تعالى الحديث 31 وعن علي رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم قال ومسح برأسه واحدة أخرجه أبو داود والحديث صحيح. Donc selon Ali, radiallahu anhu, dans la description de l'eau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit qu'il a essuyé sa tête une fois. Et le hadith a été rapporté par Abu Daoud. Donc le shir dit Al-masailu wal-ahkamu al-mustafadatu min al-hadithi. Mas'ala. Takrar mas'hi al-rassi. Le fait de d'essuyer plusieurs fois la tête. Là, c'est mas'h ar-ra's, le fait de le faire plusieurs fois. Il cita que la plupart des savants, jumhur ahl al-ilmi, yarawna anna ar-ra'sa yumsahu mara wahida. La tête, on ne l'essuie qu'une seule fois. Et pour preuve, ce hadith. Et le hadith de Othman, et également le hadith de Abdullah ibn Zayd qui va venir. Et d'autres, ils ont vu qu'il est mustahab, recommandé, de l'essuyer trois fois. En prenant la généralité englobée dans le hadith de Tawadda an Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Tawadda salathan salathan. Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait le wudu et qu'il a lavé chacun de ses membres trois fois. Donc ils ont pris la généralité. Et un autre hadith de Othman, chez Abu Daoud, « Anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam tawaddaha, famassaha la ra'si thalathan. » Mais ce hadith n'est pas pris en considération. Comme l'a cité Abu Daoud et d'autres ulama, d'autres imams du hadith. Donc la parole authentique, c'est la parole du Jumhur, de la plupart des savants. Qu'on se contente de n'essuyer la tête qu'une seule fois. Et c'est le tarjih de Cheikh al-Islam Taymiyyah, Ibn al-Qayyim et d'autres que eux, parmi les gens de science. Et comme on a dit, le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait l'eau et a lavé chacun de ses membres trois fois, c'est un hadith qui est moujmel. Enfin, il est général. Après, justement, on a d'autres hadiths qui sont venus pour faire un tarsis, pour spécifier comment il l'a fait. C'est comme le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala où il écrit comment faire l'eau, il est moujmel. Après, la sunna est venue pour faire le tafsil. Comment faire l'eau exactement? Donc ça, c'était ce qui concernait ce hadith, 31e hadith. Wa ba'da hadha. C'était juste la mas'ala. Combien de fois se suit la tête? Donc, une fois. Quant à celui qui le ferait plusieurs fois, c'est quoi le hukm? Quoi le jugement, celui qui vient qui le fait plusieurs fois. Son dos il est bon, sauf que l'athim se rend ziyad. Naam, il est athim s'il connaît. S'il connaît la faiblesse des hadiths ou l'explication du hadith général. Et s'il ne connaît pas, il n'est pas athim. Il se base sur une preuve qu'il a comme étant valide, et ce n'est pas le cas. Maintenant, celui qui sait, qui a eu connaissance, et que lui persiste, lui, on a mis la affim. Tamam. Après, il dit, Al-Hadithu al-Thani wa-Thalathun. عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي فأقبل بيدي وأدبر متفق عليه وفي لفظ بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه تمام. Donc il dit selon Abdullah ibn Zayd ibn Asim radiallahu anhu, toujours dans la description de l'eau, qu'il est dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sa tête, qu'il est allé en avant, qu'il a été en avant puis lui a ramené ses mains. Mutafakun alayhi. Et dans une autre version, il dit qu'il a commencé par le début de sa tête, jusqu'à aller jusque vers au-dessus de la nuque, et qu'après il a ramené ses mains d'où il a commencé. D'accord, c'est comme on dit un aller et un retour sur la tête. Tayyib. Donc il dit Mas'alatun kayfiyatu mas'a ra'si. Comment essuyer la tête? Donc ces hadiths, avec ces différentes versions, sont clairs et limpides, qui démontrent qu'il est recommandable ou recommandé de commencer par la muqaddama, le début de la tête, avec les deux mains, pour aller jusqu'en haut, en haut de la nuque. Car tu n'es pas obligé de commencer par là. Dans le khilaf, par exemple, par rapport à la tête, on a dit juste tu fais même ça sur la tête, un petit bout, ça suffit. D'accord ? Et plus tu en fais, et mieux c'est. Donc comment faire, comment procéder pour essuyer la tête? Tout simplement avec tes deux mains, tu essuies du début de ta tête, c'est-à-dire du haut du front, pour aller jusqu'en haut de la nuque, puis revenir. Et que Nawawi, il rapporte que cela est muttafaqun al-istihbabiha. Cette façon de faire, il est ittifaq qu'elle est recommandée. Et certains savants ont été jusqu'à dire qu'ils commencent par aller par l'arrière de la tête, d'abord, en se servant d'un hadith qui est faible. La preuve en cela, c'est un hadith qui est faible, indiquant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commencé justement par l'arrière de sa tête. Taïeb. Donc ça, c'était comment s'y prendre pour essuyer la tête. Donc le wajib dans l'essuyage de la tête, c'est tout simplement d'essuyer une partie de la tête. Le reste, c'est mustahab. De commencer du front pour aller jusque derrière et revenir. D'accord? Ça, c'est mustahab. Celui qui aura fait moins que cela, Inch'Allah, son wudu, il est valide. Malgré tout. Ensuite, il dit, Al-Hadithu, Al-Thalith, wa Thalathun. An Abdillah ibn Amr, radiallahu anhu, fi sifat al-wudu'i, qala, ثم مسح صلى الله عليه وسلم برأسه وأدخل إصبعي السبابتين أيوة في نسخة سبابتين une version c'est سبابتين نعم tu peux dire les deux donc وأدخل إصبعي السبابتين أو سبابتين في أذني ومسح بإبهامي ظهر أذني أخرج أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة. الحديث إلى حسن. Donc il dit selon Abdullah ibn Amr رضي الله عنه dans la description de l'eau que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a essuyé sa tête, ensuite il a rentré ses deux majeurs ou plutôt index à point dans ses oreilles, d'accord, et qu'il a essuyé l'extérieur des oreilles avec le pouce, ces deux pouces. Comme une pince. Le majeur et le pouce. Les index, pourquoi je dis le majeur, Afouane, les index, le majeur c'est le du milieu. L'index. L'index c'est celui-là. Le majeur c'est celui-là. C'est plus long. Quand même. C'est celui du milieu. Non, là, c'est l'index avec lequel tu indiques. Sababa, c'est l'index. Et l'ibham, c'est le pouce. Et le, justement, le majeur s'appelle wasta. Wasta. Et t'as le binsir et le khinsir. C'est l'auriculaire et le. Oh, j'ai oublié en français. L'annulaire, voilà. L'annulaire. Celui auquel, okay, soi-disant, met l'anneau. L'auriculaire, c'est le petit. Khinsir. Pas mal. Donc, c'est. Donc, il dit. Hal al uzunani mina ra'si. Est-ce que les deux oreilles font partie de la tête? Donc, ce hadith démontre que les oreilles font partie de la tête. Il est venu dans le hadith marfou' que le message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit. Al uzunani mina ra'si. ولكنه ضعيف. Mais le hadith est ضعيف. On a entendu pendant ce hadith. Dans le hadith. Rulum le hadith hier, matin. Cheikh Abd al-Razak a cité ce hadith. Dans le Hassan. Ensuite, tu cites un bon nombre de savants qui ont vu cette parole. Que c'est la parole de la plupart des Sahaba parmi leurs savants et autres. Et tu cites plein de savants. Car certains ont vu que les oreilles n'en font pas partie. Et la parole authentique, c'est que les oreilles font partie de la tête. Tamam. Donc il dit mas'a. Hein? C'est Jumhur. Non. Jumhur, hatta Jumhur, ulama sahaba. Et c'est le col qui est muafiq bid dalil. Qui coordonne avec le dalil. Mas'alatun. Ma hukm mas'hi al-udhunayn. Le jugement de l'essuyage des oreilles. Fa hukmuhu. ذهب جمهور أهل العلم إلى استحباب مس الأذنين لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. Donc la plupart des savants voient que c'est mustahab d'essuyer les deux oreilles comme l'a fait le prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم. Et certains ont cité l'ijma, mais il se trouve que cet ijma a été mukhalaf, il a été transgressé. Quand il est transgressé dans le sens que d'autres savants ne l'ont pas vu, n'ont pas vu le même avis. Donc pareillement, le fait d'essuyer les oreilles, tamam, c'est mustahab dans l'ozo. C'est-à-dire, si tu ne le fais pas, ton ozo il est valide. Ce n'est pas un wajib ni un rukn. Et il finit en disant kayfiyatu mashi al-uzunayn, la façon d'essuyer les oreilles. Donc il dit que ce hadith démontre clairement que la façon recommandée d'essuyer les oreilles, c'est de rentrer les deux index, chaque index de l'orifice de l'oreille. Tamam. Et l'arrière avec les pouces. La partie arrière de l'oreille, externe de l'oreille. Quand on dit externe, c'est-à-dire celle qui est proche de la tête, derrière l'oreille, le revers de l'oreille, avec les pouces. Ouais, pas l'arc, c'est de l'asile. Bah, tout. Bah, le hadith, il précise pas, tu vois. Maintenant, quelqu'un il le fait, on va pas le blâmer. Il a dit qu'il a rentré ses majeurs dans l'oreille. Maintenant, c'est large. Rentrer dans l'oreille. Maintenant, on comprend quoi? On comprend comment on dit l'orifice. Mais ce que ça veut pas dire aussi les parties qui sont autour, là? La mafie manière. Il n'y a pas d'empêchement. Également. Voilà. Et derrière. Ton enfant, quand il t'énerve, tu tires l'oreille. Comment tu fais? Tu pinces, t'attrapes un bout de derrière, un bout de devant, et tu tires avec. Ah bah, tu fais le même effet de pince, sauf que là, tu pinces pas ton oreille. Juste tu rentres le doigt, d'accord, dans l'oreille, comme on a dit, soit orifice ou soit la partie, on appelle ça le pavillon, je crois. Je crois que ça s'appelle le pavillon de l'oreille, ça, je crois, si je me rappelle bien. La partie creuse, c'est pour l'index. Et derrière, vous voyez, derrière la partie qui fait face au cou, ça, c'est le, ça s'appelle le zahir, c'est le revers de l'oreille, sa surface, on va dire. Là, c'est le pouce. Mais le mas, parce que celui-là, c'est pas celui-là, tu mets tes mains, tes doigts et tu bouges plus. Et celui-là, c'est qu'il y a un mouvement. D'accord? Il y a forcément un mouvement de va-et-vient. Ah, bah. Donc il dit, mas ala akhira, هل يجزأ مسح الأذنين عن الرأس؟ Est-ce que le fait d'essuyer les oreilles remplace l'essuyage de la tête? Et non. Cela ne prend pas la place avec ijma. Pourquoi? Car la tête, l'essuyage de la tête, c'est un wajib. Même c'est un rukn. Il est même venu dans le verset. فَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Les oreilles, c'est un mustahab. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un qui l'a oublié, par exemple, d'avoir fait la tête, il s'essuie les oreilles. Il dit, c'est bon, ça remplace. Non. Celui qui oublie la tête, il revient, il fait la tête. Ça va venir. Quand quelqu'un oublie une partie dans le dos, comment il fait pour rattraper? Ça va venir, Inch'Allah. Donc voilà, c'était le dias d'aujourd'hui. Trois hadiths pour décrire la façon d'essuyer la tête et d'essuyer les oreilles. Qui est une chose très simple. Walhamdulillah. Mafhoum? طيب والحمد لله رب العالمين